إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va parler d'un autre sujet à la suite de notre dars, et c'est le sujet dans le livre que le cheikh appelle قول لو في بعض الحالات, c'est-à-dire d'utiliser le mot si dans certaines situations, dans certaines circonstances. Hein? Donc, c'est le fait de dire si. Hein? Si. Bon, avant de commencer, il y a juste pour clarifier certaines manières dont, ou de certaines façons dont on utilise le mot si en arabe, c'est law, law, lam, waw. Quand il y a différentes utilisations de ce mot-là. D'accord? Il y a différentes façons. Aoudjuhul istirmal, law. Premier exemple, al-i'tiradu ala shar. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de, ça veut le mot là plutôt, c'est contester, essayer de contester la loi d'Allah. Ok? Par exemple, il y a un exemple de ça dans le Coran, l'exemple des hypocrites lorsqu'ils ont dit, لو أطاعونا ما قتلوا. On va en parler encore de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Ok? Ils ne seraient pas morts. Ça a rapport avec la bataille de Uhud. On va expliquer qu'est-ce qui était arrivé, puis pourquoi ils avaient dit ça. Et ça, c'est un exemple de personnes qui se détournent ou qui essaient de contester la charia. De quelle façon? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris la décision d'aller attaquer et de combattre le jour de Uhud. Mais un des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, il est reparti en route. Pendant qu'ils étaient en route vers Uhud, il est parti. Lui, Abdullah ibn Ubay, c'était le chef des munafiqin à Médine. Et il est reparti avec un tiers de l'armée. Donc, quand ils sont partis, et qu'il y a eu la bataille de Uhud, après, il y a eu environ 70 morts parmi les Sahaba durant cette bataille. Alors, les munafiqins, quand les musulmans sont revenus à Médine, les munafiqins, les hypocrites ont dit, vous voyez, si nous avions obéi, si vous nous aviez obéi, eh bien vous n'auriez pas été tués. Et ça, c'est une forme de contestation, de remettre en question l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce cas-là, ça c'est une des façons dont l'eau est utilisée. Et dans ce cas-là, c'est haram. Dans des cas comme ça, c'est haram. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, vous utilisez ce mot pour contester la loi d'Allah, ou l'ordre d'Allah et de son messager. Le deuxième exemple, elle est attirade à l'al-qadar. C'est-à-dire, d'essayer de contester ou de discuter avec la prédestination. L'exemple de ça, un verset dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الآية dans le Coran, dans سورة آل عمران, 56, Allah سبحانه وتعالى dit: Ô les croyants, ne soyez pas comme les gens qui ont mécru et qui ont dit à leurs frères lorsqu'ils sont partis sur la terre pour combattre ou en expédition. S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Donc ça c'est un exemple de contestation ou de discuter avec la prédestination d'Allah. Le troisième exemple, c'est lorsqu'on l'utilise comme une sorte dans un sens de remords et de regrets. Hein? On dit, ah, oh, si j'avais étudié, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ah, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu un problème. Si j'avais, par exemple, si j'étais pas sorti aujourd'hui, j'allais pas me faire écraser par une voiture. C'est un exemple. C'est un exemple. J'aurais pas dû rester, j'aurais dû rester chez moi, j'aurais pas dû sortir. Des exemples comme ça. Ça amène le regret, le remords, et ça c'est mauvais. Et ça revient toujours à contester la prédestination de toute façon. Dans tous les exemples, là, ça tourne toujours autour de la prédestination. Parce que même dans l'exemple de la contestation de la charia ou des ordres d'Allah, ça a rapport aussi avec la charia. Parce que, la mort c'est quelque chose qui est prédestiné pour nous. Et donc, si ça a été prédestiné, il n'y a rien qu'on peut faire pour la retarder ou pour l'avancer, hein. فَلَا يَسْتَخْدِمُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ. Lorsque leur temps arrive, alors il n'y a rien que tu peux faire pour le faire avancer d'une seconde ou pour la faire reculer d'une seconde. Ton heure, elle est déjà écrite. Il n'y a rien que tu peux faire qui va l'avancer ou qui va la reculer, même d'une seconde ou d'une fraction de seconde. Tout est écrit, tout est calculé. Okay. Il y a la quatrième façon dont on l'utilise. Donc tous les exemples qu'on a donnés ici sont des exemples qui rentrent dans qu'est-ce qui est haram. Utiliser l'artificité. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais un autre exemple qu'on utilise, c'est pour l'espoir, l'estamani. Comme par exemple, dans ce cas-là, ça peut être, si ton espoir c'est un espoir pour le bien, donc c'est quelque chose de bien, et si ton espoir c'est pour le mal, donc ça devient pour le mal. Donc, par exemple, si je travaille fort, je vais avoir un bon résultat à mon examen. Ça, c'est un exemple d'utilisation du mot aussi, qui est quelque chose de bon, parce que c'est utilisé dans le positif. Si tu dis par exemple, bon, si je crée Allah, donc si je fais les bonnes œuvres, je vais rentrer au paradis. Ça, c'est une utilisation de l'article ou du mot si qui rentre dans quelque chose de bien, donc c'est halal, bien dans ce cas-là. Yani, ouais, ben, tu peux dire Inch'Allah, tu dis Inch'Allah étant donné que c'est pour l'avenir, et c'est toujours Inch'Allah. Yani. Il faut tout, comme tu dis, c'est vrai, il faut le dire. Oui, mais si c'est pour le futur, tu peux dire Inch'Allah, comme le frère a dit, puis dans ce cas-là, si c'est pour le futur, c'est correct. Mais si tu l'utilises pour quelque chose qui est dans l'avenir, ou bien dans le passé, si tu l'utilises pour quelque chose qui est dans le passé, c'est comme si tu remets en question la prédestination d'Allah, en tout cas, c'est pas permis. Donc, on va lire le texte maintenant, puis on va, maintenant qu'on a compris ces règles, maintenant on peut comprendre mieux le sujet dont on va parler. Le Cheikh dit, وَمِنَا الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي التَّلَفُظُ بِهَا لِأَنَّهَا تَخِلُّ بِالْعَقِيدَةِ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا كلمة لو في بعض المقامات وذلك عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة فإنه لا يقول لو أني فعلت كذا ما حصلت ما حصل علي هذا أو لو أني لم أفعل لم يحصل كذا لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والتأسف على ما فات مما لا يمكن استدراكه ولا يشعر به هذا اللفظ وما يشعر به هذا اللفظ من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر ولما في ذلك من الإيلام من إيلام النفس وتسليط الشيطان على الإنسان بالوسواس والهموم. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie parmi les expressions ou les termes qui ne doivent pas être prononcées parce qu'elles viennent en contradiction avec la croyance et au sujet duquel il y a eu une interdiction particulière, c'est le fait de dire si dans certains cas ou dans certaines circonstances. Et ça c'est pour quelle raison? C'est parce que ça amène du mal à l'être humain. Et ça, par exemple, lorsqu'il y a un mal qui t'atteint ou une épreuve, tu dois pas dire si j'avais fait telle chose, cette chose-là ne serait pas arrivée. Ou si je n'avais pas fait telle chose, cette chose-là ne serait pas arrivée. Parce que lorsque tu fais ça, ça démontre que tu n'as pas de patience. Ça démontre que tu n'as pas d'endurance. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait que tu regrettes pour qu'est-ce que tu as manqué. Et en fait, si tu l'as manqué, c'est parce que tu ne devais pas la voir de toute façon. Walaykum salam, Allah wa barakatuh. C'est-à-dire, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fa'alam annama asabaka ma kana li yukhti'ak وما أخطأك ما يكون ليصيبك أو ما كان ليصيبك sache que ce qui t'a atteint et bien ça ne pouvait pas te manquer et ce qui t'a manqué et bien ça ne pouvait pas t'atteindre. Donc ça fait partie de la foi en Al-Qadr. Donc il y a une ayah aussi dans la sourate Al-Hadid, لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن يعني إنيا هي كي فزاتين dans les cieux ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Il n'y a pas une épreuve qui vous atteint dans les cieux ou sur la terre ou en vous-même, sauf que ça a été écrit dans un livre avant même qu'on l'ait créé. Inna zalika 'ala Allah yasir, et ça c'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour pas que vous vous réjouissiez, c'est pour pas que vous appréciez pour qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce que vous avez manqué, et pour pas que vous vous réjouissiez trop pour qu'est-ce que on vous a donné, c'est-à-dire pour que vous restiez dans un état de sérénité, de stabilité dans ces questions-là. Là, vous n'allez pas vous mettre trop en tristesse parce que quelque chose ne vous est pas arrivé, mais vous revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites qadbar Allah ma sha'a ta'ala, vous n'allez pas vous attrister trop, et en même temps, si quelque chose de bien, vous n'allez pas vous mettre à être trop excité, là, trop excité au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala et vous réjouir au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça explique un peu ce passage. Et après le chef il dit, et aussi le fait de dire si j'avais pas fait ça, ça ne serait pas arrivé, et bien ça fait aussi donner l'impression que la personne a une foi faible en la prédestination, al-qada ou al-qadar. Et aussi, qu'est-ce que ça cause? Ça cause de la douleur à l'âme, ça attriste l'âme, le fait de toujours penser à qu'est-ce que tu aurais pu faire. Par exemple, on a déjà parlé de ça, je pense, plusieurs fois, une personne qui part en voiture et puis frappe quelqu'un, ou une personne qui part et qui fait un accident et qui meurt. Eh ben, la personne qui est responsable, une des personnes qui était là, qui a causé la mort de la personne, si elle n'a pas la foi en Al-Qadar, elle va peut-être arriver à penser que c'est de sa faute que la personne est morte et qu'elle va avoir toute sa vie le blâme. Elle va se blâmer elle-même toute sa vie parce qu'elle va penser qu'elle aurait pu l'éviter, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça, par exemple. Oh, j'aurais dû tourner, j'aurais dû pas faire ça, j'aurais dû passer à gauche ou à droite. Quelqu'un, par exemple, qui a un enfant, puis il se fait frapper par une voiture devant eux. J'aurais dû le surveiller, j'aurais pas dû le laisser jouer. Et là, toute sa vie, là, elle a ses remords, elle a cette chose pour sa confiance. Et puis, à cause de la faiblesse de la foi en Al-Qadar. Donc, le fait de toujours se rappeler ces choses-là, ça te fait une douleur dans ton âme. Et ça cause que le shaitan prend le pouvoir sur l'être humain et lui donne plein de wiswas. Vous savez, il lui souffre toutes sortes d'idées fausses dans son âme, dans sa tête, pour lui faire croire toujours qu'il est coupable et qu'il doit avoir toujours des remords et de la culpabilité pour des choses qui n'est pas même pas responsable. Après le chef dit والواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر والصبر على ما أصاب الإنسان مع عمل الأسباب الجالبة للخير والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم من تلومي والواجب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا au début. Non. Après, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'obligation pour le musulman lorsque une musiba, une épreuve l'a atteint, c'est de se soumettre. Son obligation, c'est de se soumettre à la prédestination et d'endurer ce qui l'a atteint, hein. Et de faire d'agir de façon, de prendre les moyens, nécessaires pour arriver à amener le bien et à se protéger du mal et sans avoir de blâme, se blâmer de soi-même. Ça, oui, ça là où, c'est-à-dire, l'homme, c'est le blâme. L'homme, ça, ok. Après, le chef dit, وَقَدْ زَمَّ اللَّهُ الَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ الْكَلِمَةِ عند المصيبة التي حلت بالمسلمين في وقعة أحد. لانك الشيخ يزي اي الله سبحانه وتعالى ابلامي ceux qui ont dit cette parole lorsqu'une épreuve est tombée sur les musulmans lors de la bataille de Uhud. الله يزي قال تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه مقالة قالها بعض المنافقين يوم أحد لما حصل عليه على المسلمين ما حصل من المصيبة قالوها يعارضون القدر ويعتبون على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لخروجه من العدو. Donc le cheikh il dit que Allah سبحانه وتعالى a dit et il dit si nous avions quelque chose notre part dans cette affaire, nous ne serions pas mort ici, ou nous ne serions pas fait tuer ici. Et le chef il dit que cette parole a été dite par certains des hypocrites le jour de Uhud. Lorsque la défaite est tombée sur les musulmans, et beaucoup de musulmans ont été tués, alors ils ont dit ça comme pour essayer de contester la prédestination. Parce que, en fait, c'était prédestiné que ces sahaba allaient mourir dans cette bataille. Et Allah SWT l'avait déjà écrit, il le savait, il l'avait prédestiné, et ça devait arriver. Et rien n'aurait pu changer le fait que ça allait se produire. Donc, yani, le fait de dire cette parole, par exemple, de dire, si on avait quelque chose, une part dans cette affaire, on ne se serait pas fait tuer, ça c'est essayer de contester Al-Qadar. Hein. Et le cheikh il dit, après, ces munafiqines-là, ils l'ont dit en essayant de contester Al-Qadar et en essayant aussi de blâmer ou de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans qui sont partis pour combattre l'ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a répondu, « فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ » Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala il les a récités en disant, « Dis, même si vous étiez restés dans vos maisons, même si vous étiez restés chez vous, c'est-à-dire vous n'étiez pas partis au combat, ceux d'entre vous pour qui la mort avait été décrétée, ils seraient sortis pour mourir à l'endroit où c'était prédestiné pour eux. Hein? Subhanallah. Donc, ça y est. Hey, هذا قدر مقدر من الله لا بد أن يقع ولا يمنع منه التحرز في البيوت والتلهف وقول لو بعد نزول المصيبة لا يفيد إلا التحسر والحزن وإيلام النفس والضعف مع تأثيره على العقيدة من حيث أنه يوحي بعدم التسليم للقدر. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hey, c'est-à-dire que cet événement qui était arrivé, la défaite au jour de Uhud et la mort de plusieurs de Sahaba, c'était une chose qui avait été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala et elle devait arriver. Et le fait de se cacher ou de se préserver, essayer de se protéger dans nos maisons, eh ben, ça peut pas nous empêcher de mourir. Si ça a été décrété pour nous. Et le fait de dire l'eau, le fait de dire si, après que l'épreuve ou la défaite est tombée ou la difficulté soit tombée sur nous, ça ne peut rien nous donner de plus. Hein, le fait de dire si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça, ça ne peut rien nous augmenter, ça ne peut rien nous rajouter, ça ne peut rien nous donner de plus que de la peine, de la tristesse et de la souffrance et de la faiblesse. Hein? Et en fait, en plus de ça, ça affecte notre croyance, notre aqidah, et ça inspire et ça fait comprendre aussi qu'on n'a pas de soumission pour la prédestination. On ne s'est pas soumis à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit, ثم ذكر سبحانه عن هؤلاء المنافقين مقالة أخرى وذلك في قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وهذه من مقالات بعض المنافقين يوم أحد أيضا. Après le chef il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une autre des citations ou une autre des paroles des munafiqin. Et ça c'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont dit à leurs frères qui sont restés, alors que eux sont restés, s'ils nous auraient obéi, ils n'auraient pas été tués, comme on a mentionné au début, 167. 168, Sourate Ali Imran. Et le chef il dit ensuite, et ça, ça fait partie aussi des paroles des munafiqins au jour de Uhud, le jour de Uhud. ويروى أنه عبد الله بن أبي يعارض القدر ويقول لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل فرد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت أي إذا كان القعود وعدم الخروج يسلم به يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي أن لا تموتوا والموت لا بد أن يأتي إليكم في أي مكان فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن من أطاعكم سلما Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette parole, en fait, elle avait été dite par le chef du Munafiqin à cette époque, c'était Abdullah ibn Ubay. Et lui, il essayait aussi de contester ou de disputer la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se disait, s'ils nous avaient écoutés dans notre consultation qu'on avait fait avec eux, et qu'ils n'étaient pas sortis, et qu'ils avaient écouté quand on leur a dit de rester, ils n'auraient pas été tués avec ceux qui se sont fait tuer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu en disant, « Fadra'u an anfusikum al-mawt », c'est-à-dire, essayez d'éloigner ou essayez de vous empêcher de mourir, yani. C'est de cette façon-là. Essayez de repousser la mort de vous, yani. Pour que vous ne mouriez pas. Yani, en fait, c'est quelque chose, vous n'êtes pas capable de repousser la mort. Alors, yani, si vous pensez que le fait de ne pas être sorti, c'est ça qui vous a empêché de mourir, eh bien, Allah SWT, c'est lui qui a prédestiné la mort, et puis, vous ne pouvez rien faire pour la repousser si elle est décrétée pour vous. Hein? Donc, c'est une sorte de façon de, comme si Allah SWT se moque d'eux en disant ça, en fait. Et le chef, il dit, si, par exemple, le fait de rester et de ne pas sortir au combat, fait que cela, ça va sauver une personne de la mort, alors il faudrait que vous ne mouriez pas. Et la mort, eh bien, il faut qu'elle vienne. Vous n'avez pas le choix. Peu importe où vous êtes, elle va arriver. Elle va venir, la mort. Même dans ton lit. Alors, le chef, il dit, alors, essayez de la repousser. Si vous êtes véridique dans ce que vous prétendez que le fait de vous obéir sauf de la mort. Après le cheikh, il mentionne les paroles du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مقالة ابن أبي هذه قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال انخذل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام وهؤلاء لم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا من المنافقين الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة انتهى. الشيخ ابن تيمية يقول lorsque يعني le jour de Uhud un groupe de منافقين يعني ils ont ils se sont détournés de l'armée. Et Abdullah ibn Ubay, le chef des munafiqin, il a dit, il laisse tomber mon opinion et son opinion et il prend l'opinion des enfants, c'est-à-dire, peut-être que, je suis pas certain, mais je pense qu'ils avaient fait une consultation et un des jeunes sahabis avait donné son point de vue et il avait pris son point de vue. Et à cause de ça, Abdullah ibn Ubay, qui était le chef de à cette époque, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Ubay avait eu l'espoir qu'il allait être le chef dans cette tribu ou à Médine. Mais étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh ben, ça lui a fait perdre son espoir de devenir le chef. Alors, il a essayé il a fait semblant d'accepter l'islam et il est devenu parmi les hypocrites. Il a peut-être montré l'islam, mais au fond de lui, il était contre les musulmans et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'influencer un groupe dans l'armée et il a réussi à ramener un tiers du groupe de l'armée avec lui. Alors, Ibn Taymiyyah, il dit, parmi eux, il y en avait beaucoup, parmi ceux qui sont retournés avec lui, Abdullah ibn Ubay, parmi eux, il y en a beaucoup qui n'avaient pas été des hypocrites avant ça. Et ceux-là étaient parmi les musulmans. Et ils avaient la foi. Et la foi, c'est cette lumière dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné exemple dans le Coran. Il a comparé la foi à une lumière dans Surat al-Nur et dans beaucoup de versets aussi. Alors, s'ils étaient morts avant cette épreuve et avant l'hypocrisie qu'ils ont fait, ils seraient morts sur l'islam. Et ceux-là, ils n'étaient pas réellement des croyants, ce n'étaient pas des croyants véridiques, et ce n'était pas. الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا c'est-à-dire ils n'étaient pas parmi les croyants qui ont été testés et qui sont restés fermes durant cette épreuve et non plus ils ne faisaient pas partie des munafiqin, ceux qui sont complètement quitté l'islam et qui ont perdu la foi au complet totalement après l'épreuve, c'est-à-dire c'était un groupe qui était entre la foi et l'hypocrisie. Ils n'avaient pas quitté complètement l'islam, et en même temps, leur foi n'était pas une foi véridique. Et après, le cheikh dit, « Wa shahid minhu anna al-lahj » Al-lahj ? Il y a ton lab. Non. Al-lahj, non, bi kalimat law. عند حصول المصائب من سمات المنافقين الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر. نعم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et qu'est-ce qu'on peut témoigner ou qu'est-ce qu'on peut attester? Barakallahu fik. C'est vrai, toute la journée, là, aujourd'hui, là, c'était à l'enferme, au travail, partout. Oh, Allah. Wa shahid minhu, anna al-lahja bi kalimat lawi. Le fait de dire law, lorsqu'une épreuve s'atteint, eh ben, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites qui ne croient pas en al-qada ou al-qadar, c'est-à-dire la prédestination. الشيخ الزي فيجب على المؤمن الابتعاد عن التلفظ بهذه الكلمة عندما تصيبه محنة أو مكروه وأن يعدل إلى الألفاظ الطيبة التي فيها الرضا بما قدر الله والصبر والاحتساب وهي الألفاظ التي وجه إليها وجه المبني على المجهول وهي الألفاظ التي وجه إليها كما الناس يقول فيجب على المؤمن وجه اوكي فقد وجه انفسه التي وجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المؤمن أنه قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il dit, le musulman il doit s'éloigner de ses paroles. Lorsqu'une épreuve l'atteint, ou un test, ou quelque chose de mal, il doit revenir aux paroles qui expriment le bien et qui montrent qu'il est satisfait de ce qu'Allah lui a prédestiné et qu'il a la patience et qu'il endure et qu'il supporte l'épreuve. Et parmi ces paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invité à utiliser ou bien l'attitude à adopter vis-à-vis de ces épreuves, c'est dans le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira par l'imam muslim, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé par Allah sallallahu alayhi wa sallam que le croyant qui est faible. » Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aime le croyant qui est fort dans sa foi plus que le croyant qui est faible dans sa foi. Inch'Allah. Mais, c'est ça. Mais, par contre, il y a aussi dans ce hadith une preuve que la foi, elle est bénie. Elle peut monter, elle peut descendre. Et qu'elle n'est pas toujours haute, elle n'est pas toujours basse. Elle peut monter, elle peut descendre selon ses actions. Et la règle, c'est quoi? C'est que plus tu fais des bonnes œuvres, plus ta foi augmente. Et plus tu fais des péchés, plus ta foi descend. D'accord? Donc ça c'est le principe. Là. Oui c'est ça. Le hadith se rapporte au niveau de la foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min al-qawi. Il n'a pas dit al-rajul al-qawi. Il n'a pas dit l'homme fort. Et plus aimé par Allah que l'homme faible. Il a dit le croyant fort. Et donc, s'il mentionne al-mu'min, ça veut dire que ça se rapporte à al-iman. Et non à sa force physique. Si la force physique est une force d'un, si un croyant a une force physique et qu'il l'utilise dans le bien, bien entendu, ça peut l'aider à augmenter sa foi. Hein? Mais aussi, s'il l'utilise dans le mal, ça peut l'aider à faire de plus de péchés qu'un musulman qui est, ou une personne qui est faible. Hein? Donc tout dépend de quelle façon il utilise sa force. Ok? Non. Donne-moi un exemple. Comme par exemple. Exactement. Comme par exemple, si tu prends des voix à quelqu'un, c'est en retard, et puis là, tu as la nourriture, et puis il y en a qui est parti. Ok. Et ça t'est arrivé à tout le monde. Si c'est arrivé à l'heure. C'est vraiment manger. Ouais. Mais c'est pas fait, ça. Si tu es arrivé à l'heure, la nourriture serait là encore. Ah oui, okay, ça c'est. Ouais. Mais c'est ça, c'est. C'est ça, dans ce sens-là. Ça, ça ne remet pas en question le qadar parce que tu ne dis pas dans le but de comme si tu le dis, comme une sorte de cause et effet, ça c'est logique. Sauf que, par contre, c'était prédestiné que la personne allait arriver en retard. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà su. Et la personne, comme, il n'y a rien qui pouvait faire que la personne allait arriver à l'heure. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire, après que c'est arrivé, c'est trop tard pour dire si. Puis, le fait de dire si, en fait, c'est sûr que quand tu dis si, là, tu essaies de faire comprendre une réalité. C'est-à-dire, si, par exemple, tu dis si j'étais pas né, je serais pas là aujourd'hui. ça, c'est la réalité, mais là, c'est pas bon, parce que tu rentres avec ça, tu vas ouvrir une porte au printemps, oui. Quelqu'un peut jouer avec ça aussi, si par exemple, deux fois, si tu viens à rendez-vous, si l'autre arrive en hauteur, si l'autre est fâché. Tu viens à dire, ma soeur, là, il ne faut pas dire, je ne veux pas d'avoir ça, tu vois, Non, mais tu peux le blâmer sans dire si. Hein? Par exemple, tu peux essayer de lui faire comprendre que t'es pas content, que t'es fâché de ça, et que tu lui fais comprendre qu'elle aurait dû, comme si tu dis par exemple, tu sais, arriver en retard, c'est pas correct, tu t'es attendu longtemps, et puis qu'est-ce que ton attitude, c'est pas bien, dans l'islam, on devrait essayer, alors si t'es un musulman, tu dois essayer d'arriver à l'heure, tu dois respecter tes rendez-vous, et donc ça c'est le moyen de lui faire comprendre ça. Sans avoir à dire si c'était venu à l'heure, vraiment, c'est important. Mais dans ce cas-là, c'est bien. Parce que ça, c'est un rapport avec l'espoir. Parce que tu dis, si tu finis pas, tu serais pas comme si tu serais mieux, tu vois, tu serais en bonne santé. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, non. Mais là, il faut faire la distinction entre. Non, mais c'est comme par exemple, si tu parles d'une chose qui a été faite dans le passé, et que tu ne peux pas changer. Dans ce cas-là, tu vas dire si, en parlant du passé, là tu ne peux rien faire pour le changer, donc c'est fait, c'est fini. Mais si tu parles de quelque chose qui est fait, par exemple, qui est dans l'avenir ou qui est dans le présent, mais qui peut être changé dans l'avenir, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas la prière. Si tu faisais la prière, là, tu serais un bon musulman. Ça, c'est quelque chose, la personne ne fait pas la prière aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qu'elle ne peut pas changer dans l'avenir. C'est sûr que c'était écrit que la personne ne suit pas, mais ça veut pas dire que la personne ne peut pas faire repentance et commencer à prier, ou cesser de fumer, ou des choses de ce genre, tu vois. Oui, c'est ça. Les ulama, ils ont dit ça. C'est vrai. Oui, c'est une vraie histoire. Ils disent, mu'alij al-qadar bil-qadar. C'est-à-dire, les problèmes qui sont causés par le qadar, donc on dit que ça vient du qadar, on les règle par le qadar. Hein? C'est comme ça. Donc, le gars, il a volé. Et il a dit, ça c'est le qadar, j'ai volé. Il essaie de justifier son péché par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que ça c'est pas une bonne excuse. Parce que le qadar, tu peux dire si quelque chose est, par exemple, t'as pas eu de choix, t'as pas eu de conscience. Par exemple, t'as fait un accident. Wa alaykum salam wa rahmatullah. L'accident que tu as fait, par exemple, t'es tombé en bas de, dans l'escalier, tu t'es cassé une jambe. C'est pas quelque chose que tu as fait consciemment, c'est pas quelque chose que tu as fait exprès pour tomber. Mais, tu es tombé, tu t'es cassé une jambe. Là, il y a dit, qadar Allah, ma chère Sarah. Mais si quelqu'un vient et il te pousse en bas de l'escalier, puisque tu te casses une jambe, là, c'est pas la même chose. La personne, elle a vraiment une responsabilité dans le fait que tu sois cassé une jambe parce qu'elle t'a poussé. Elle a fait quelque chose qui est haram. Hein, et Allah lui avait interdit de te pousser, et il l'a fait quand même. Ou bien, par exemple, tu te jettes toi-même en bas d'un escalier hein, pour te suicider. Et bien, ça aussi, tu vas dire en qadar Allah, non, non. Parce que là, dans ce cas-là, toi-même, tu fais quelque chose que Allah t'a interdit. Parce qu'il a dit, voilà, t'as toujours un pouce à compte. Ne vous tuez pas vous-même. Voilà, tu le trouves à aider, comme il a t'ahlouka. Oui, les gens disent maktoub, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été écrit à l'avance. Ça, ça a rapport avec elle. C'est al-qadar, parce que al-qadar est le maktoub. Hein? Ben, c'est pas un synonyme. Sauf que ça a rapport avec le qadar. Le maktoub, al-qudra, c'est le pouvoir de Dieu. Mais al-qadar, c'est qu'est-ce que Allah a prédestiné pour sa création. Et le qadar, il a quatre principes, quatre bases. Et un de ces bases, c'est al-maktoub. Le premier, c'est al-ilm. C'est de croire que Allah a su tout ce qui allait se produire jusqu'au jugement dernier. Et tout, il le sait. Ça, c'est la première base du qadar. Le deuxième, c'est qu'il l'a écrit. Donc, ça, c'est le deuxième point. Al-maktoub, ça rentre dans ça. Et que tout ce qu'il a su, il l'a écrit. Et le troisième, c'est qu'il l'a voulu. C'est-à-dire, il n'y a rien qui se produit, excepté qu'il l'a voulu dans l'univers. Il n'y a rien qui arrive sans sa volonté. Hein? Comme tu ne peux pas dire, par exemple, que quelque chose est arrivé dans l'univers, ah, ça, c'est pas par la volonté d'Allah. Ça, c'est faux. Et cinquièmement, c'est que tout est créé par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a pas un deuxième créateur. Donc le bien et le mal, tout ce qui est dans l'univers là, c'est les créations d'Allah. Et même qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on, les actions qu'on fait, sont des créations d'Allah, créées par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est ces quatre principes qui régissent la croyance en la prédestination. Et donc, al-maktoub, bien sûr, ça fait partie de qadar Allah. Dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Il y a. C'est pas. Oui, je comprends ce que tu dis. En fait, tu parles de l'irada. L'idara al-qawmiya, l'irada al-qawmiya, ou l'irada al-shar'iya. Et la distinction entre les deux, c'est al-irada al-qawmiya, c'est tout ce qui arrive, ça c'est al-mashi'a en fait. Al-irada al-qawmiya, c'est al-mashi'a. C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Même les péchés que les gens font, c'est Allah qui l'a voulu que les gens fassent ces péchés-là. Mais al-irada al-shar'iya, ça a rapport avec qu'est-ce qu'Allah aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est-à-dire, Allah il l'a voulu, mais est-ce que ça veut dire qu'il l'aime? Non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il l'aime. Comment on peut savoir qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas? C'est par rapport à la révélation qu'il a donnée à ses messagers. Et donc là, ça devient shari'a parce que c'est révélé, c'est une loi qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si, par exemple, quelqu'un tue une autre personne, ça fait partie de l'irada al-kawniya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis que ce meurtre se produise. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le meurtre? Il a interdit par ses messagers. Il a envoyé des messagers avec des livres pour interdire aux hommes de se tuer les uns les autres et de faire des choses de l'injustice ou de mal. Donc, dans ce cas-là, ça rentre aussi dans l'irada al-kawniya, dans le sens que c'est voulu par Allah, mais étant donné que c'est interdit et que Allah le déteste, donc c'est interdit dans, selon la charia. Donc, essayez de comprendre la distinction entre al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iya. À cause de cette, certains musulmans n'ont pas fait cette distinction-là, et à cause de ça, ils en sont venus soit à nier al-qadar, c'est-à-dire nier que nos actions sont prédestinées, parce que ils se sont dit, si on est prédestiné, nos actions sont prédestinées, ça voudrait dire que on est forcé à faire ce qu'on fait, et donc si on va être puni, c'est comme s'ils croient qu'ils sont forcés à faire le péché, et ça c'est faux. parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé qu'on a une liberté et qu'on a un choix dans nos actions, mais en même temps ça ne veut pas dire qu'on affirme qu'on est totalement libre et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas lui qui contrôle et qui a le pouvoir sur tout dans l'univers et qu'on peut agir sans, en dehors de son pouvoir. Non, on est toujours limité par son pouvoir et c'est toujours sa volonté qui est au-dessus de toutes les volontés. Sauf que si on fait un mal, on a choisi, on l'a décidé, c'est nous-mêmes qui serons responsables de l'avoir fait. Comme on a donné l'exemple d'Omar tout à l'heure, la personne qui a volé, eh ben, elle a dit j'ai volé parce que c'est Allah qui a prédestiné ça pour moi. Oui, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné que cette personne devait voler. Sauf que, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? C'est haram. Et on sait comment? On sait parce qu'il a révélé ça à ce messager et il a révélé dans son livre que c'est haram. Et étant donné que c'est haram, et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à ce sujet-là des punitions, une punition spécifique pour ce crime d'avoir volé. C'est que la main du voleur soit coupée. Donc, on arrange ou on corrige ce qadar par al-qadar. Nu'alij al-qadar bil-qadar. Et le fait de couper la main du voleur, ça fait partie aussi de al-qadar. Donc, on est rentré dans le qadar plus en détail. J'espère que je n'ai pas mélangé personne, hein. Parce que c'est un sujet quand même plus un peu deep. Oui, parce que les salafs ils ont dit Al-Qadr, c'est le secret d'Allah. Sirrullah. Alors n'essayez pas de chercher trop à le comprendre, parce que vous allez vous égarer, c'est certain. Comment quelqu'un peut comprendre Allah? Personne. Donc, on se base sur qu'est-ce que Allah et son messager nous ont, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils nous ont révélé, qu'est-ce qu'ils nous ont révélé, et on se limite à ça. Et si on se limite à ça, on est protégé et on est sauvé de l'égarement, inshallah. Donc, où on est-elle? Le chef, il dit, le croyant fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans tous les deux, il y a du bien. Tu vois, ça répond à ta question. Oh, c'est cool une fête. Dans le croyant fort, il y a du bien, mais dans le croyant faible, il y a du bien. C'est sûr que Allah, il préfère le croyant fort, mais aussi dans le croyant faible, il y a du bien aussi. Ok? Et après, il dit, احرص على ما ينفعك. C'est-à-dire, sois ardent dans qu'est-ce qui va, ou bien travaille fort pour qu'est-ce qui va te amener beaucoup de bien. Fais des efforts pour arriver à qu'est-ce qui va te donner du bénéfice, un bien dans ta religion, dans ta foi, dans ta vie. Wasta'in billah. Et demande l'aide d'Allah ta'ala dans ce chemin. Wala ta'ajaz. Wala tajba'. Ah oui, c'est ça, c'est une erreur. On a tardé. Ils ont mis un noun, alors qu'il n'y a pas de noun. Voilà, tardé. C'est-à-dire, ne perds pas l'espoir, ne deviens pas paresseux ou ne viens pas désespéré parce que tu te laisses aller là. C'est comme si tu deviens paresseux là, tu te laisses aller complètement, tu abandonnes les actions là, tu laisses tomber. Oui, tu deviens passif. Donc, ne sois pas comme ça. Demande l'aide d'Allah. Mais si, après avoir fait ce que tu fais là, il t'arrive un malheur ou quelque chose de mal, quelque chose que tu n'aimes pas, ne dis pas, oh, si seulement j'avais fait telle ou telle chose, ou si j'avais pas fait telle chose. Hein? Mais, à la place de dire ça, dis, qaddar Allah, ma sha'a fa'al. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a prédestiné. Et ce qu'il a voulu, c'est ce qui est arrivé. Parce que si tu dis « si », tu ouvres la porte aux œuvres du shaytan. D'accord ? Et après le chef, il dit « فَقَدْ وَجَّهَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى فِعْلِ الْأَسْبَابِ أَلَّتِي تَنْفَعُ الْعَبْدِ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ مِمَّا شَرْعَهُ اللَّهُ تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله ليتم له سببه ونفعه، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، والجمع بين فعل السبب والتوكل على الله توحيد، ثم نهى عن العجز وهو ترك فعل الأسباب النافعة، وهو ضد الحرص على ما ينفع، فإذا حرص على ما ينفعه وبذل السبب ثم وقع خلاف ما أراد أو أصابه ما يكره، فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن هذه الكلمة لا تجدي شيئا، لا تجدي شيئا، وإنما تفتح عمل الشيطان وتبعث على التأسف ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. Donc qu'est-ce que ce passage là explique? En fait, c'est qu'il explique le hadith et il clarifie le hadith. Le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invité à faire apprendre les moyens pour que le serviteur arrive à ce qui lui amène du bien dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà, en faisant ce qu'Allah lui a révélé dans sa révélation. Et c'est-à-dire parmi les moyens qui sont obligatoires, les moyens qui sont recommandés et les moyens qui sont légaux et permis. Et lorsque l'être humain fait les moyens, prend les moyens nécessaires pour arriver à son but, il doit toujours, en le faisant, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait expliqué ça lorsqu'on a parlé de At-Tawakkul à Allah. Ensuite, il doit mettre sa confiance à Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui permette d'atteindre son but et lui amène ce qui va lui donner un bien dans cette vie ou dans l'au-delà, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé le moyen et qui a créé l'effet, la cause et l'effet. Et donc il faut, pour appliquer vraiment le tawhid, il faut essayer de chercher à prendre les moyens nécessaires et en même temps à mettre notre confiance en Allah. On ne peut pas juste dire que on va juste mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et cesser de faire les œuvres. Comme beaucoup de personnes, par exemple, ils disent, bon, je mets ma confiance en Allah, puis après ils restent assis. Et ils n'essaient même pas de se sortir de leurs problèmes. Ils n'essaient pas de faire des efforts. Ça, c'est une contradiction avec le tawhid. Parce que si tu crois vraiment à l'unicité d'Allah et au tawhid, alors qu'est-ce que tu vas faire? Si tu mets vraiment ta confiance en Allah, tu dois faire tous les efforts nécessaires pour arriver à ton but. Après, il dit le cheikh, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la paresse et la négligence. Et il a interdit aussi d'abandonner les moyens qui sont utiles et nécessaires pour arriver à notre but. Et le fait d'abandonner les moyens nécessaires pour acquérir ou arriver à un but, ça, c'est le contraire de faire des efforts pour arriver à ce qui va t'amener du bien dans ta vie. Donc, c'est ce qu'il fait en fait. Il répète le hadith, mais avec un petit peu plus de clarification. Donc, lorsque tu as fait l'effort et que tu as essayé d'atteindre ton but, mais que t'as pas réussi, ou qu'un mal t'a atteint, alors dans ce cas-là, il faut pas arriver et dire, si j'avais pas fait ça, ça serait pas arrivé. Mais plutôt, le fait de dire ça, ça n'amène rien de plus, et ça ouvre la porte au shaitan, et ça t'amène à avoir des regrets, et ça à critiquer la prédestination. Et ça nie, ça vient nier la l'endurance, la patience et la satisfaction. Alors que, en fait, la patience c'est une obligation dans l'islam d'être patient lorsqu'une épreuve nous atteint. Et le fait de croire en Al-Qadar c'est aussi une obligation. Donc, si tu laisses tomber ces deux choses-là, tu as laissé tomber deux obligations, yani, que Allah t'a donné. Après, le chef dit, ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ النافع المتضمن للإيمان بالقدر وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل لأن ما قدره الله لا بد أن يكون والواجب التسليم للمقدور وما شاء الله فعل لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة. الشيخ الوقت الأذان وقال سنة أبسين Donc, le chef il continue ensuite, il explique le hadith plus en détail, après il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et il dit « وَالْعَبْدُ إِذَا فَاتَهُ الْمَقْدُورُ لَهُ حَالَتَانِ حَالَةُ عَجْزٍ وَهِيَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَيُلْقِيهِ الْعَجْزُ إِلَى لَوْمٍ وَلَا فَائِدَةَ فِيهَا بَلْ هِيَ مِفْتَاحُ اللَّوْمِ وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ النظر إلى المقدور وملاحظته وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il explique que les serviteurs d'Allah, lorsque une chose qui lui avait été prédestinée, il lui a été enlevée ou il n'a pas eu, alors il a deux états ou deux façons de le prendre. La première façon c'est al-ajz. Et qu'est-ce que ça veut dire al-ajz? Comme on a dit tout à l'heure, c'est de se décourager ou bien de perdre, de cesser d'agir, de faire des efforts. Et ça fait partie des actions du shaitan. Et qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène à dire low, ça l'amène à dire si. Et en fait, de dire si, il n'y a aucun bénéfice là-dedans, il n'y a aucune bonne chose là-dedans de dire si. En fait, c'est la porte du blâme. C'est la clé du blâme, en fait. Et après, la deuxième étape, la deuxième façon en fait de le prendre, c'est d'observer ou d'analyser la prédestination d'observer et de dire que si ça avait été prédestiné, alors je l'aurais eu, c'est-à-dire si cette chose-là m'avait été prédestinée, je l'aurais reçue. Mais, je ne l'ai pas reçue parce que Allah ne l'avait pas prédestinée. Et si c'était prédestiné pour moi, il n'y a rien qui aurait pu le prendre ou me l'enlever. Donc, ce serait sûr que je l'aurais eu. Donc, c'est ça le fait d'avoir la foi à la prédestination, tu l'observes et tu dis, par exemple, on va dire que tu voulais avoir un travail, tu as fait l'application, tu as amené ton CV, tu as toutes les qualifications, tu as fait tous les efforts, tu es bien préparé, et puis tu n'as pas eu l'emploi. Est-ce que tu vas dire, oh, si j'avais rasé ma barbe, ou si je n'étais pas comme ci ou comme ça, j'aurais été pris pour l'emploi. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut dire que ça a été prédestiné par Allah, et que si ça avait été prédestiné pour moi, eh bien je l'aurais eu. Et puis, il n'y a personne qui aurait pu me l'enlever. Hein, mais c'est parce que si je ne l'ai pas eu, c'est parce que c'est Allah qui ne l'a pas prédestiné. Après, le chef il dit, فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته ونهاه عن قول لو وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان بما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر ويأثم بذلك وذلك من عمل الشيطان وليس هذا لمجرد لفظ لو بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان. Donc le cheikh il résume encore la même idée, puis il explique encore la même chose. Après il dit, فإن قيل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الكلمة حينما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ هو لأنه ساق الهدي. فالجواب عن ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما سقت الهدي خبر عن مستقبل ولا اعتراض فيه على قدر بل هو إخبار لأصحابه أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il donne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisé le mot law, ou il a déjà dit si dans certaines circonstances. Comme l'exemple ici, où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj, il a ordonné aux sahaba d'enlever les harams après avoir fait l'umrah, et de rester comme ça, et de remettre les harams juste après lorsque le hajj allait commencer, alors que lui-même, il n'a pas enlevé son ihram, il l'a gardé parce que il avait amené al-hadi, yani les sacrifices pour les animaux pour égorger. Alors, il a incité aux sahaba de faire le hajj tamattu, alors que lui-même, il ne l'a pas fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi, si j'avais pas amené ça, je l'aurais fait comme vous. Donc, le cheikh il dit ça, c'est pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas dit ça pour contester la prédestination. Il l'a dit uniquement pour informer ses compagnons de la raison pourquoi il a gardé les haram dans son hajj. Parce qu'il avait, il avait amené le sacrifice et tout. قال وذلك لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا وتطييبا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره فليس هذا من المنهي عنه. يعني تقتلوا الصحابة بما تقولوا لا توجو إمتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توجو فيكم لي وكانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المحرم يقول لا توجو فيكم لي. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non. Faites-le, faites pas comme moi. حي على الصلاة حي على الصلاة